Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Accueillons Simon Fédibé avec son excellente chronique qui remonte comme toujours le taux de quotient intellectuel de la station. Simon Fédibé, phénomène. Non? Non. C'est le QI, c'est le qui, c'est le Sissi, mon Fitzby. Alors, tu rajoutes de quoi après Sissi? Sissi. Ouais, j'avoue que Sissi, c'est peut-être pas un compliment tout à fait. Bah, tu sais. Donc, Simon Fitzby, François, tantôt, m'a demandé une très bonne question, très pertinente, je trouvais. Question frappante, là, un vrai Denis Lévesque. Combien de thés ça prend en plate? Je pense que ça en prend juste un. Excellent callback, j'adore. Non, mais on se demandait si, en fait, on pouvait te retrouver aussi dans l'émission de Danny Janvier, ce midi. Oui, OK. Si tout est beau, tout devrait... S'il veut de toi. S'il veut de moi, oui. OK, merveilleux. Si mon ordinateur n'est pas mort dans mes mains d'ici là. Ben, allez, ça achève? Oui, c'est dernier mille. Ah, c'est-tu Linux qui plante de même? Oui, c'est un update qui fait ralentir le tout. C'est incroyablement plate. Plate. It's plate. Don't like it, it's plate. Donc, Simon Fédidé, ça continue parce que la saveur du moment a lieu ce soir aussi à 21h. Oui, effectivement. Ça va être une belle journée. On en reparlera à la fin de ta chronique parce que là, entrons dans le vif du sujet. C'est qui, ça, le Capitaine Cœur de Bœuf? Capitaine Cœur de Bœuf, Capitaine Beefheart, bien sûr, c'est un personnage incroyable. Et la fin du mois de décembre, en fait, a été marquée par le début du temps des fêtes, bien sûr, le début des congés, les animateurs de C'est fou. Ça fait du bien. Souligné, entre autres, par un excellent souper des fêtes. Où il y avait du bœuf, entre autres. Il y avait du bœuf. Il y avait plein de bonnes affaires à manger. Bonne série de réjouissances également en famille. Et est-ce qu'un déménagement? Il y a quelqu'un qui a déménagé. C'est moi, ça? Ouais, il a mis tout le monde dans sa chronique. Tout inclus tout le monde, à part Rachel, qui est dans le studio. Mais bon, tu l'as pas inclus parce que c'est pas qu'elle serait là. Exactement. C'est l'imprévu. Le public est en studio et... Ouais. Est ignoré. Bon. Exactement. Et la fin du mois de décembre, par contre, 2010, a également été marquée par le décès d'un homme important dans le milieu de la musique, un homme innovateur à la voix puissante et aux idées créatives anarchiques. Je parlerai donc aujourd'hui de la légende, le Captain Beefheart. Et donc, né le 15 janvier 1941 en Californie, Donald Glenn Vliet, plus tard renommé Don Van Vliet, épate dès son plus jeune âge. En effet, il étudie la sculpture, en fait. Il débute plutôt la sculpture et la peinture sans l'étudier. À l'âge de 3 ans, et son art se présente comme s'il était obsédé des animaux. Il fait beaucoup de girafes, des poissons, des dinosaures. À l'âge de 9 ans, il remporte un concours de sculpture organisé par le Zoo de Los Angeles et est découvert par l'organisateur de ce concours-là qui s'appelle Agostino Rodriguez. Et vu par plusieurs comme un prodige, il se fait offrir plusieurs bourses d'études pour approfondir son art. Et il va même se faire offrir une bourse pour aller étudier la sculpture de marbre pendant 6 ans. Toutes dépenses payées. Malheureusement, ses parents ont refusé toutes les offres. Et la bourse, c'était 6 ans en Europe, là. C'était pas 6 ans, genre, à côté de chez eux. Non, c'est ça. C'est quand même quelque chose de gros. Ses parents, voyaient pas vraiment, voyaient comme un prodige, mais voulaient pas que leur fils, dans le fond, soit corrompu trop jeune par les artistes et tout. Ah, les méchants artistes, hein. Ouais, exactement. Ouais, oui. Mais il aimait tellement son art qu'il passait ses journées dans sa chambre et ses parents devaient le nourrir en glissant l'assiette sous la porte pour que le forçait à manger parce que sinon, il faisait juste de la sculpture et de toute la journée. Et, ben. Et alors qu'il y a 13 ans, la famille Vliet déménage dans le désert du Mojave. C'est dans la désolation de ce désert-là qui allait plus tard influencer son art, qu'il découvre le Delta Blues, le R&B ainsi que le jazz. Il faut dire que le rock'n'roll n'était pas encore à la mode. On parle de la fin des années 40, début des années 50. Et il écoute des artistes tels que John Coltrane, Coleman plutôt, Johnson Hollingwolf, qui va beaucoup influencer sa façon de chanter, également Muddy Waters. Et il se découvre également une nouvelle passion dans la musique. Donc, il y a à la fois la peinture et la sculpture, et maintenant la musique commence à prendre de la place. Et bien qu'il a affirmé que sa scolarité s'était arrêtée une seule avant-midi de maternelle, Vliet est bel et bien allé à l'école. Hein, parce qu'il disait en entrevue qu'il s'est rendu compte dès la maternelle que si tu veux être en dehors du cadre, il faut sortir du carré de sable tout de suite. Hein, c'est une belle morale. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs au secondaire qu'il va rencontrer un jeune Frank Zappa, avec qui il allait passer les soirées complètes à écouter des disques de blues. Les deux amis vont débuter à écrire un peu de musique ensemble et ils écrivent même un scénario de film. Et c'est également à cette époque qu'il est baptisé Captain Beefheart, d'après le pénis d'un de ses oncles qui habitait chez lui. Attention, quelqu'un va se plaindre. Ah ben regarde, c'est l'histoire, qu'est-ce que tu veux. C'est médical, c'est un terme médical. C'est un terme médical, exactement. Oui. Et donc voilà, parce que à ce qui paraît, ça ressemblait à un cœur de bœuf et c'est n'importe quoi, mais c'est ça. Ça reste... Attends, on va passer. Donc ça, l'origine de son nom, en fait, c'est Frank Zappa qui a commencé à l'appeler comme ça à partir d'une anecdote qui aurait rapport avec l'engin d'un timonon qui restait chez lui. Je pensais vraiment que c'était un mauvais jeu de mots avec les pets. Là. Avec les pets? Beefheart. Beefheart. Ah, mais ça aurait été. Ça aurait été pas peut-être. Plus, ouais. Mais tu vois, non. Tu sais, sur l'effet de l'alcool, des fois, deux amis peuvent... Puis pour pas l'appeler Fart comme artiste, ben, tu lui donnes un nom qui sonne comme ça, puis ça s'appelle Beefheart. Ouais, genre... Peut-être vu que c'est un amateur d'art, ça peut être beef art comme de l'art. Ouais, effectivement aussi. Ça peut être plein de choses. En fait, il y a plusieurs origines à ça. Lui a sa propre histoire, Zappa a sa propre histoire, et bon, plusieurs gens ont leur histoire de ça, mais ça c'est la version officielle. Et donc, après une courte période où il est consécutivement, oui, étudiant à l'université en art, vendeur de balayeuses et gérant d'un magasin de chaussures, Beefheart rejoint Zappa à Cucamonga et il se joint au Magic Band. Captain Beefheart and his Magic Band, qui a été renommé, bien sûr, après l'arrivée de cet homme à la voix puissante, signe un contrat avec A&M en 1965. L'année suivante, il lance son première pièce, une reprise de Bo Diddley, Diddy What Diddy. Captain Beefheart and his Magic Band, la pièce Diddy What Diddy, une reprise de Bo Diddley qui est apparue en 1966 sur l'étiquette A&M. Mais malheureusement... Ça va. Il n'y a pas de problème. Et malheureusement, les compositions qui suivent ne séduisent pas vraiment A&M. On préparait bien sûr le premier album du Captain et donc ils jugent que le groupe prend une avenue trop négative et le laisse tomber. C'est-à-dire l'étiquette laisse tomber Captain Beefheart and his Magic Band. Et c'est finalement Buddha Records, convaincu d'avoir les prochains Rolling Stones, qui permet au groupe de lancer son premier album, Save As Milk, qui est lancé en 1967. Et on retrouve sur cet album-là un jeune Ry Cooder, qui est un grand guitariste blues, américain, qui avait été placé sur l'album pour tenter de contrôler l'avenue créative du groupe. Donc vraiment pour s'assurer que tout allait bien se passer. Et Safe As Milk est bien reçu par les fans de blues et de rock. La voix de Beef Heart est géniale sur ces pièces. Vous avez pu voir, d'ailleurs, il y avait une voix quand même assez puissante, là, assez grave et grasse, si on veut. On retrouve ses plus belles pièces vocales, entre autres, sur les pièces, en fait, Electricity et I'm Glad sur cet album Safe As Milk. Et le succès est suivi par un autre album qui se nomme Strictly Personal, qui comportait en grande partie les pièces rejetées pour Safe As Milk. Mais par contre, cet album-là allait être vu comme comme un excellent album, meilleur encore que le premier. Et le groupe allait ensuite s'embarquer pour l'Angleterre et l'Europe, où Beef Heart rencontre Paul McCartney, entre autres. Et la popularité du Captain Beef Heart était telle que dans le milieu de la contre-culture, que les Beatles ont pensé signer sur l'étiquette Zapple, qui était l'équivalent de Apple, mais dans l'underground. Donc, il y avait deux, il y avait Apple et Zapple. Et on s'est dit, en Angleterre, on pourrait distribuer ces albums. Finalement, ça a été laissé tomber à cause d'Alan Klein qui a fermé. Bref, toute l'histoire qu'on avait racontée. L'histoire des Beatles déjà racontée, exactement. Et donc, Buddha décide de laisser tomber Beef Heart rapidement après sa tournée en Europe. Le label voulait se spécialiser dans la pop bonbon, donc c'était pas vraiment le public cible du Captain Beef Heart. Belle spécialisation, hein, c'est rare les étiquettes spécialisées là-dedans. Ouais, vraiment, là, c'est... il réussit à convaincre son ami Frank, par contre, à le signer pour un album sur son nouveau label Straight. Donc, Frank Zappa avait deux labels, Straight et Bizarre, et bizarrement, il a été signé sur Straight. C'est alors que le capitaine et son groupe, qui a perdu quelques joueurs dû à la tangente trop expérimentale du groupe, qui s'enferment pour 8 mois dans une maison où ils vont écrire et répéter pendant 14 heures par jour, ce qui allait devenir le chef-d'œuvre du Magic Band True Mask Replica. Ça s'arrête pas là. C'est que pendant ces 8 mois-là, Beef Heart traite ses musiciens littéralement comme s'ils étaient des esclaves. Yes. Il les nourrissait d'une tasse de fèves de Lima par jour. Il n'avait pas le droit de quitter la maison. Jour après jour, il répète note par note, pièce par pièce, les 28 chansons qui allaient se retrouver sur cet album double. Et c'est Frank Zappa, comme je le disais, qui a produit l'album, en plus de l'accepter sur son label. Et après seulement 4h30 d'enregistrement, le capitaine dit à Frank « L'album est terminé. » Juste pour vous donner une idée, un album, ça pouvait prendre entre 2 semaines et 1 mois à cette époque-là, surtout pour des musiciens comme ça. Et ce que Zappa a du mal à croire, donc l'album terminé en 4h30, c'est incroyable. Et il est lancé en 1969 et reçoit une critique mitigée. C'est un échec commercial, malgré le nom de Frank Zappa sur la pochette. En fait, il trouve seulement un petit nombre de gens, des fans de musique expérimentale et de musique style Frank Zappa, qui vont l'adopter. Après plusieurs écoutes seulement. Et l'album va par contre devenir un album culte et influencer les mouvements punk, post-punk, alternatifs et des milliers de musiciens. Donc voici une pièce. Mrs. Wooden Wellens, little Nitty, even Lifeboy floating with his little pistol showing at his little pistol toting. Well, that goes to show you what a moon can do. The Noble Bridge from Tuesday to Friday. Everybody's gone. High society. Hope lost his head and got off on alligators. Somebody's leaving peanuts. Escape from the zoo with love. Girls, to show you what a moon can do. Moonlight on the Mars. Well, it did it for life, boy, and it did it to you, and it did it to Zoo, and it can do it for me, and it can do it for you. Moonlight on Vermont. Give me that old time religion. Give me that old. Give me no affliction, that old Thai religion is good enough for me. It's good enough for you. Well, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them. Come out to show them, come out to show them, come out to show them. Give that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me. Without your new affliction, don't need your new restriction. Give me that old time religion, it's good enough for me. Moonlight on Vermont. La pièce Moonlight on Vermont qui se retrouve sur l'album True Mask Replica qui est paru en 1969, bien sûr, du Captain Beefheart and his Magic Band. Et j'ai décidé, en fait, de vous présenter une pièce, une des pièces les plus accessibles de l'album, une des meilleures également, puisqu'elle en comporte 28. Et les pièces qui sont genre des bribes de conversation qui avaient lieu sur le terrain où c'est qu'ils pratiquaient des solos de clarinette basse, des affaires comme ça. Donc c'est un peu inaccessible pour certains publics. Et vous aurez peut-être remarqué également que la voix du Capitaine Beefheart n'est pas nécessairement synchro avec la musique tout le temps. C'est qu'il refusait de travailler avec des écouteurs sur la tête. Ah ouais, pour vrai? Ouais, il enregistrait dans le j'ai juste le mot anglais dans la tête, donc je vais essayer booth. De trouver. Le booth, ouais, vocal qui est à côté du studio. Et il se fiait seulement à ce qu'il entendait de l'autre côté du mur. Donc des fois, c'est pas nécessairement là. Mais il faut dire qu'il avait répété tellement longtemps qu'il pouvait probablement juste se synchroniser avec le tempo. Mais bon. Mais bon. Et donc, l'album suivant, True Mask Replica, Lick My Decals Off Baby, est l'album préféré de Beefheart. Bien qu'il soit plus structuré que True Mask Replica, il comporte encore les éléments d'expérimentation que l'on retrouvait sur l'album précédent. L'album va également connaître un certain succès commercial en Angleterre, en se glissant même dans les palmarès de vente, ce qui était pour le genre de musique que faisait Beefheart quand même assez rare. Plusieurs problèmes légaux, par contre, ont rendu l'album légendaire et extrêmement rare de nos jours. Donc, si jamais vous trouvez ça chez vous, là, achetez-le. Autant en CD qu'en vinyle, là, gardez-le précieusement ou vendez-le sur eBay. Faites-le congeler, ça se conserve bien. Et faites-le congeler, effectivement. Du bœuf, ça, oui. Blague de bœuf. Eh bien, oui, c'est vrai. Je sais. C'est comme ton courriel, tu me disais, ben voyons donc, ça nous au bœuf, c'est tout le temps bon. Hein? En tout cas. Le courriel que j'avais envoyé par rapport à ça. Et je... Oui, ça doit être bon. Oui, parce que c'était des restants de je sais pas quoi. Oui, c'est ça, toujours, des restants de l'émission de la semaine passée. C'est toujours bon. Et donc, en 1972, cette fois-là, le capitaine lance deux albums de Spotlight Kid, où il est seul, il n'y a pas de Magic Band avec lui, et Clear Spot. L'un est à la suite de l'autre, donc dans la même année, quand même assez rapproché. La musique de ces albums est plus accessible et résulte du désir de Beefheart de devenir plus populaire et disponible. Une orientation qu'il rejetait du revers du poing au début de sa carrière. Il voulait vraiment être plus expérimental, être plus avancé dans la musique, puisqu'il trouvait que ça stagnait, et là, il retournait un peu en arrière, parce qu'il était un peu tanné d'être justement trop en avant de son temps. Et la quête du succès commercial se poursuit avec les albums Unconditionally. Et là, j'ai toujours du mal à prononcer ici. C'est un long mot. Ouais, Unconditionally. Hey, c'est la première fois que je l'ai. Guaranteed. l'album Blue Jeans and Moonbeams, lancé sur l'étiquette Virgin en Angleterre, donc de Papa Branson. En plus d'être extrêmement mauvais, ces deux albums-là n'arrivent pas à charmer les fans classiques de Beefheart qui lui tournent le dos. Donc, il a retrouvé peut-être une nouvelle scène pour s'exprimer, mais ses vieux fans ne voulaient plus rien savoir. Et lié par des contrats qui l'empêchent d'enregistrer des nouveaux albums, puis à cause de la chute dramatique de ses ventes avec les deux derniers albums mauvais, ou également l'empêchement de partir en tournée à cause de ces contrats-là avec son groupe, Beefheart est pratiquement confronté à la faillite. C'est Frank Zappa qui lui offre une chance de travailler en l'engageant dans son groupe pour une courte tournée. Il en résulte beaucoup de discorde entre les deux, mais également un excellent album qui se nomme Bongo Fury. Si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est assez bon. Merci. Le capitaine est de retour sur la touche en 1978 lorsqu'il réussit à signer avec Warner Brothers et il lance l'album Shiny Beast, Bat Chain Puller. Il retrouve son public également longtemps perdu avec une musique éclectique donc qui se retrouve sur cet album-là et le même style de musique l'a rendu célèbre. Par la suite, il lance Duck at the Radar Station, qui est considéré comme son meilleur album depuis Truth Mask, c'est en 1980. Et le jeune public découvre Beefheart et est subjugué par son inventivité. Il est maintenant découvert par une nouvelle génération de fans et s'entoure également de meilleurs musiciens plus jeunes. Et donc, on dit qu'à partir de Duck at the Radar Station, il a été beaucoup plus gentil avec ses musiciens parce que eux comprenaient ce qu'ils voulaient faire. C'est que les autres avant, ils n'étaient pas nécessairement sur la touche. Ouais, exactement. Et ça, c'est en quelle année? 1980 pour Duck at the Radar Station, qui est un excellent album. Et il lance Ice Cream for Crow en 1982. L'album connaît également un franc succès chez les jeunes ainsi que chez les anciens fans. C'est drôle, quand tu corriges avec antidote, ça écrit ventilateur à la place de fans. Donc, les anciens ventilateurs du Capitaine. Leurs hélices étaient vraiment... ils se faisaient aller les hélices. Oui, c'était incroyable. Par contre, il est fatigué de faire de la scène, d'avoir des succès pendant quelques années et ensuite de se retrouver sur le bord de la faillite à chaque fois qu'il lance un album un peu moins bon. Et il décide donc de prendre sa retraite, de quitter le milieu de la musique en enregistrant un vidéoclip de la pièce Ice Cream for Crow pour la postérité. Vous pouvez aller voir ça, c'est assez spécial. C'est en 1982, donc c'était le début du vidéoclip. C'était pas... C'est pas l'idéal, maintenant. Non, et c'était pas présenté sur MTV parce que la musique n'était pas assez pop. Et en tout cas, ça vaut quand même la peine d'être vu pour voir qui était Captain Beefheart. Et le musicien n'est plus. Beefheart se retire de la scène et peint. Ses peintures impressionnistes sont appréciées par contre par un large public et son nom est maintenant reconnu dans le monde des arts. Au milieu des années 90, il est frappé par une maladie dégénérative qui le cloue à un fauteuil roulant. Et on en sait très peu ensuite sur la vie du capitaine à partir de ce moment-là, autre qu'il réussit la transition entre la vie de musicien et à celle de peintre en préférant vivre dans la réclusion, dans la paix d'esprit. Thank you. Et c'est la pièce A Carrot is as close as a rabbit gets to a diamond qui se retrouve sur l'album Doc at the Radar Station, justement, de 1980. Un album, je vous dirais, si vous voulez découvrir le Captain Beefheart, débuté par Save As Milk, et avant de vous lancer peut-être dans l'écoute de Truth Mask Replica, vous pouvez écouter cet album Doc at the Radar Station, qui est un peu meilleur. Et ça vaut la peine d'être découvert. Entre autres, c'est une œuvre d'art du Captain Beefheart qui constitue la pochette de l'album. Okay. C'est quand même assez beau. Et donc, le Captain Beefheart est décédé le 18 décembre 2010. Il a su léguer un énorme héritage artistique aux milliers de fans qui l'ont connu et aux milliers qui vont le découvrir, bien sûr, dans les prochaines années, puisque, selon moi, sa musique reste intemporelle et surtout dans son registre, elle sera redécouverte et redécouverte encore par les générations à venir. Fait intéressant, en terminant, c'est que, à la suite de son décès, la compagnie, je vous avais parlé lors de ma dernière chronique de Third Man Records, qui est la compagnie 10 de Jack White, ouais. Bien sûr. Qui sortait des produits un peu spéciaux. Avec un zip qui s'ouvrait, des trucs comme ça. Et donc, le lendemain du décès du Captain Beefheart, la page site, lorsqu'on arrivait, c'était une photo justement de Beefheart, parce que les White Stripes, entre autres, Jack White est un très, très grand fan de Captain Beefheart. Donc, c'est quand même une belle hommage. Et pas mal tout le monde, tous les magazines, les sites internet de musique qui se respectent ont traité de Captain Beefheart. Donc, c'est quand même assez bien pour un gars qui a quitté la scène au début des années 80 qui n'a jamais vraiment été hyper populaire. Donc, voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup, Simon. Merci, Simon. Ça fait plaisir. De nous avoir parlé de Captain Beefheart ou Cœur de bœuf ou Flatulence d'abeille, comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Beefheart, c'est vrai. Bon. Donc, Simon, on te retrouve dans ton Simon Fitz Day. Faisons la nomenclature, François et moi. Oui, ce midi avec Denis Janvier. Oui. Dans l'émission Le Dîner de Con. Est-ce que c'est encore le scoop des internets? Oui. Cool. Tant que mon ordinateur fonctionne encore, ça va marcher. Tu peux en prendre un mien, si tu veux. Non, mais tu sais, il signe que je m'en achète un autre, par exemple. Ah, OK, ouais, c'est ça. Plus petit, plus mince. Ben oui, parce que le formaté, ce serait beaucoup trop difficile. Hein? Hein? Le formaté, ce serait trop compliqué. Ouais. Achetons-en un œuf, c'est beaucoup mieux. Je t'encourage à t'acheter ce que tu veux t'acheter. Vraiment beaucoup, j'ai hâte de le voir et peut-être y toucher si tu veux. Ah, ça, je sais pas. Ah. Le regarder au moins. Ouais. De loin. C'est ça, exactement. C'est ça. À un mètre minimum. Touche pas. Et puis, la saveur du moment. C'est le jeudi soir à 21h. Oui. Ton émission personnelle. Ouais. Oui, soyez des nôtres ce soir. Donc, jeudi, on est le 13 janvier. Puisqu'on va présenter le fameux concept 0-1 and 10 ou 1 et 10 de Radiohead. Donc, qui combine OK Computer et In Rainbows. Assez génial. Donc, vous allez voir, la transition est incroyable entre les pièces. Parfait. Je vais t'apprendre quelque chose comme ça. On n'aura plus besoin de mentionner que c'est seulement ce soir parce que même les gens qui écoutent les meilleurs moments les vendredis matin à 6h et les samedis à 13h vont pouvoir se rattraper en écoutant la saveur du moment les lundis à 17h. Ah ouais. Oh oui. All right. OK. All right. Super. Donc voilà, Simon Fitzday, c'est tous les jeudis ici à C'est Fou. Puis on te retrouve d'ailleurs le vendredi aussi dans l'émission Rock Classique. Oui, Rock Classique avec Alain Lefebvre pour les éphémérides. C'est tout à fait vrai, ça. Merci, François. Merci, Simon. Merci. Merci Mathieu. Merci, merci Simon. Messieurs, mesdames. Merci public en studio. Merci Rachel. Oui, merci. Public en délire. Ah, pas de bruit du tout dans le public, par exemple. C'est un public muet. Merci les requins. Merci les requins. C'est pas un bruit de requin du tout. François Landry s'en vient tantôt avec sa chronique politique Logocratie 101. On dit que ça sent les élections. Ça sent les élections. Ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Et non, les Canadiens sont... Oh, bon ben. Non, mais c'est à dire que ça sent tout le temps la coupe, peu importe ce qui arrive, non? Ça sent pas la coupe, là? L'odeur de coupe est pas vraiment présent? Non. OK. Peut-être mieux de même aussi. Ouais. Je sais pas. Je pense que oui. Restez là. Bonne une patate. Une petite tape et v'là des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi? Wow, là, il a fallu que je lâche ma job. Comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je sois disponible pour l'écouter, hein? Pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de 2 heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage requis, avec F.O. et Mathieu, du lundi au jeudi de 7h à 9h.